Piste 43. Phonétique. Exercice 1. 1. Il vient, ils viennent, ils viennent. 2. Elle prend, elle prend, elles prennent. 3. Elle prévient, elle prévient, elles préviennent. 4. Il apprend, ils apprennent. Ils apprennent. 5. Elle revient, elle revient, elles reviennent. 6. Il comprend, ils comprennent, ils comprennent.